بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل. Le sixième point prouvant le caractère caduc de la voie qu'empruntent et que suivent les partisans de la négation, c'est-à-dire les négateurs, ceux qui réfutent l'affirmation des attributs divins à Allah Azza wa Jal. Qala, le sixième point de vue qui montre et qui prouve mada, leur égarement en cela, أنه يلزم عليه لوازم أو لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم وهذه قاعدة بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. Donc Cheikh Al-Uthaymeen il explique, il dit que leur voix, leur méthode de pensée implique des implications caduques. Et ce qui implique une implication caduque est forcément caduque. Et ça, c'est une qaïda, ya ikhwan. Kullu ma lazima minhu batilun fa huwa batil. Ça, c'est une règle à appliquer au quotidien en ce qui concerne la religion. Tout ce qui implique une chose batil, caduque, fausse, est en soi une erreur, est en soi une chose caduque. Fahimtum? Naam. Lakin hada ya'ni bishart an yakuna hada lazim sahihan hatta la yuqarrir hadhihi alqa'ida علينا ويعني أهل التعطيل ويلزمون بلوازمهم الباطلة. لا. Donc cette règle qui vise, c'est-à-dire que tout ce qui implique une chose fausse est forcément faux. Ça c'est une règle. يعني à appliquer, comme on a dit. Mais bien sûr, il faut avant tout savoir si l'implication évoquée est juste ou fausse. Tamam? Donc il faut vraiment que, lorsqu'on dit que telle ou telle chose implique cela, il faut que cette implication-là soit juste, soit justifiée. Naam. Car si elle ne l'est pas, alors là on ne pourra pas appliquer ce genre de règles. Naam. Et c'est pourquoi même les gens de, yani les adeptes de la négation en ce qui concerne les attributs divins, ils ne peuvent pas utiliser cette règle contre nous, puisque eux, ils viennent avec des implications qui sont caduques. Par exemple, ils vont dire: oui, si vous affirmez qu'Allah a une main, ça implique que vous le comparez à sa créature. Donc cette implication-là qu'il prétend est fausse et caduque. Naam. Fa bitali, de surcroît, ils ne peuvent pas nous imposer cette règle lorsque leur implication est fausse et erronée. Naam. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il te dit que le sixième point qui prouve le caractère caduque de cette secte, c'est que leur voix implique des implications qui sont elles-mêmes erronées. Naam. Et tout ce qui implique une fausseté ou une erreur est forcément erreur. Tout ce qui implique un faux, tout ce qui implique le faux est forcément faux. Naam. فمن هذه اللوازم، donc là, Cheikh Al-Uthaymeen il va évoquer d'une manière très pertinente tout ce que implique, ou une grande majorité de ce qu'implique la voie que suivent les adeptes de la négation. Awalan, anna ahl at-ta'til لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم للتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. Donc là, le premier la première des choses que cela implique, c'est tout d'abord de dire que les négateurs ne sont pas arrivés au stade de se détourner des sens apparents des textes divins, si ce n'est après avoir eu la ferme conviction que l'affirmation de ces sens implique une comparaison d'Allah avec sa créature. Donc ils ont cru fermement que ces textes impliquaient une comparaison entre Allah et sa créature. Tamam. Alors que celui qui prétend cela, il a certes mécru. Pourquoi? Parce que ça contredit la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'y a nul de semblable ». Il n'a nul semblable à lui. Il n'a nul semblable à lui. Naam. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. Donc celui qui compare Allah, donc là c'est une parole de Nu'aym ibn Hammad, qui fait partie des mashaykh, des chouyoukh de l'imam al-Bukhari, les professeurs de l'imam al-Bukhari. Il dit, Nu'aym ibn Hammad, il dit: celui qui compare Allah à sa créature ou à une de ses créatures a certes mécru. Et celui qui réfute les attributs d'Allah qu'il s'est lui-même affirmé a certes mécru. Et il n'y a pas dans les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a affirmées de lui-même ou celles que le prophète alayhi salatu wasalam nous a informé une quelconque ressemblance avec avec sa créature. Tamam. Wa yani kalimat at-tashbih huna lamma qala wa la rasuluhu laysa ma wasafa Allah bihi nafsuhu wa la rasuluhu tashbihan, yani yurid bidhalika at-tashbih al-batil. التشبيه الباطل وإلا فقد تقدم معنا أن هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة فهناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق كما تقدم. Donc là, la parole de Nu'aym lorsqu'il dit qu'il n'y a nulle forme de ressemblance entre les attributs divins et les attributs des créatures, ça, bien sûr, comme on l'a vu dans les cours précédents, c'est pas d'une manière absolue. C'est pas d'une manière absolue. C'est plutôt, il vise là la comparaison ou la ressemblance qui est totalement fausse, totalement caduque. Mais comme on l'a vu dans les précédents cours, il y a bien un seuil de ressemblance entre le créateur et sa créature, c'est-à-dire au point de vue de la base de l'attribut. La base de l'attribut. Tamam. Par exemple, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. Parmi les attributs d'Allah, la vie. La vie. Pareil pour ces créatures, elles sont vivantes. Donc la base de l'attribut, il y a une forme de ressemblance. Bien que la vie d'Allah Azzawajal lui est propre, elle est comme elle lui convient, et la vie des créatures est pleine de déficiences comme cela leur convient. Donc la vie parfaite d'Allah Azzawajal n'est nullement comparable à la vie de ses créatures. Mais sur la base de l'attribut, il y a cette affirmation qui est indéniable. Naam. Et si on n'affirme pas cette chose-là, Yahya, on va passer directement dans la voie des mu'attila, de ceux qui ont réfuté les attributs du début à la fin. طيب قال طيب انتهينا من قول نعيم بن حماد قال ومن المعلوم قال الشيخ العثيمين ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيها وكفرا أو موهما لذلك et fait partie des choses connues et qui sont qui prouvent le y a un égarement évident, madame, le fait de penser que le sens apparent des paroles d'Allah Azzawajal peuvent contenir ou du prophète peuvent contenir une ressemblance avec les créatures dans l'absolu, hein, ainsi que du coufre, puisque ça c'est du coufre, hein, ou que ça peut sous-entendre que les paroles d'Allah Azzawajal elles peuvent sous-entendre la mécréance. Hada min abtalil batil. Donc ça c'est le premier la première des choses qu'implique la voie de Ahlul Ta'til. Thaniyan anna kitab Allah تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. Donc la deuxième chose que leur voix implique, ce serait de dire ou d'affirmer que le Coran, le livre d'Allah Azzawajal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour être en guise d'éclaircissement sur toute chose, en guise de guider pour les gens, en guise de guérison pour ce que recèlent les poitrines, en guise de lumière explicite, en guise de discernement entre le vrai du faux. Ça sous-entendrait que ce livre-là, qui a été caractérisé par ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas placé en son sein, n'aurait pas placé un quelconque éclaircissement pour ses serviteurs en ce qui concerne ses noms et ses attributs. Mais bien au contraire, il les a laissés à leur propre raisonnement. Et que de par leur raisonnement, ils vont affirmer ce qu'ils veulent affirmer comme nom ou attribut, et ils auront le droit de réfuter ce qu'ils veulent réfuter comme nom ou attribut. Donc ça, c'est clair que c'est un égarement évident. Tamam? Hada ma'na kalam Sheikh Al-Uthaymeen. Naam. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه والسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يمتنع عليه. طيب، troisième chose parmi ce qu'implique la voix des négateurs, cela impliquerait que le prophète, ainsi que ses califes bien guidés, ainsi que ses compagnons, ainsi que les pieux prédécesseurs qui les ont suivis, les imams parmi eux, étaient soit ignorants, soit négligents en ce qui concerne la connaissance et l'explication de ce que Allah subhanahu wa ta'ala yani mérite ou possède comme attribut. Tamam? Naam. وهذا فإذا كان نصوص الصفات المقصود منها خلاف ظواهرها وهذا لم يبينوه الصحابة ولا الخلفاء، فمعنى ذلك ماذا يا أخوان؟ معنى ذلك أنهم إما قاصرين يعني جهال، وهذا باطل، لأن الصحابة هم أعلم الأمة بالشريعة، أعلم الناس بالله هم الصحابة، وأعلم الناس بدين الله هم الصحابة، وأعلم الناس برسول الله هم الصحابة، فهم أعلم الناس في الشريعة. Donc le fait de dire que les textes, le sens apparent des textes n'est pas celui voulu, alors que cela n'a jamais été dit par le moindre compagnon, ni par les califes bien guidés, ça sous-entendrait de prétendre que les compagnons étaient soit des ignorants, ils ignoraient les sens de ces textes, et ça c'est complètement absurde, car les compagnons sont les plus savants de la législation islamique. Ce sont les plus savants en ce qui concerne Allah Azza wa Jal. Après, bien sûr, le prophète, alayhi salatu wa salam. Ce sont les plus savants en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont les plus savants en ce qui concerne le prophète, alayhi salatu wa salam. Ou, imma an yakuna muqassirin. Muqassirin. يعني قصروا في إبلاغ الرسالة التي تلقوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي تبليغ أحكامها. Ou soit ils ont été négligents en ce qui concerne la transmission du message du prophète عليه الصلاة والسلام et de surcroît du message divin qu'ils ont reçu du prophète عليه الصلاة والسلام. Et ils ont été négligents dans la transmission des règles religieuses. Et ces deux choses-là, ces deux implications-là, elles sont, comme vous le constatez, totalement caduques. Naam. Totalement caduques. فَلَا يَلِيقُ بِسَلَفِ الصَّالِحِ. Naam. Donc, madhab, la voie que choisissent les négateurs, يعني بالاختصار, هو تضليل السلف وتجهيلهم. Donc la voie qu'ils ont suivie, c'est tout simplement de dire que les pieux prédécesseurs étaient égarés, soit ignorants. Et ça, c'est clair comme de l'eau de roche que ce genre de paroles font partie des paroles les plus absurdes. Paï. Qala. أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا، وهو في الحقيقة تحريفا. نعم، دونك ماذا شيخ العثيمين il dit cela impliquerait que le prophète ainsi que ses califes bien guidés et les compagnons tout entiers aussi autant soit-il ainsi que les pieux prédécesseurs parmi les imams qui les ont précédés ou qui les ont succédés malin ils étaient soit ignorants soit négligents de ce qu'il convient à Allah Azza wa Jal d'affirmer comme attribut ou yamtani'u alayh ou yajouz. نعم نعم car il y a malin car on a jamais eu la moindre parole d'un seul de ses compagnons qui affirme ce vers quoi se sont tournés les négateurs en ce qui concerne les attributs d'Allah et qu'ils ont appelé eux-mêmes comme étant une interprétation. Alors ce n'est pas une interprétation, c'est une modification des textes. طيب وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. Et donc, si tel aurait été le cas, ça sous-entendrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses califes bien guidés et les pieux prédécesseurs après eux étaient dans l'ignorance totale en ce qui concerne la connaissance des attributs d'Allah azza wa jal ou de ses noms, ou ils ont fait preuve d'une négligence totale car ils n'ont pas éclairci la chose à la communauté. Et donc ces deux applications sont batil. Rabi'an, anna kalam Allah. والصحابة يا إخوان ما جاء عن أحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أعرض عن ظاهر يعني فيما يتعلق بصفات الله الثابتة. Donc, les compagnons, on n'a pas de trace des paroles d'eux qui nous montrent qu'ils ont compris les textes comme l'ont compris les négateurs. Donc, ni ils ont posé des questions au prophète, alayhi salam, donc ce qui montre qu'ils prenaient les textes en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, azza wa jal, dans leur sens apparent. Et si toutefois ce n'était pas le cas, c'est-à-dire, ils le comprenaient d'un autre sens, alors ils auraient veillé à l'expliquer aux communautés qui viendraient après eux. Mais on n'a ni hada ou la hada. طيب رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشريعة بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب وإن وجدوا إلى ذلك سبيلا يعني إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. Le quatrième point, je crois c'est le plus pertinent, C'est le plus pertinent de tout ce que implique la parole des négateurs. C'est de dire que la parole d'Allah Azzawajal, ainsi que celle de son prophète, si on suit cette voie de cette manière de penser, ça sous-entend que la parole d'Allah et la parole de son messager ne sont pas les deux sources vers lesquelles on revient en termes de croyance, en termes de dogme au sujet de notre Seigneur. Mais au contraire, ça implique que la source vers laquelle on doit revenir pour atteindre la connaissance de notre Seigneur, ce n'est autre que la raison. Cette raison qui est déficiente et qui se contredit. Et tout ce qui contredit la raison, alors on le réfute, si on trouve un moyen de le réfuter. Ou on le dément, si on trouve un moyen de le démentir. Ou on modifie par une interprétation, on modifie la compréhension par une interprétation erronée, si toutefois on n'arrive pas à réfuter cette chose. Et c'est pourquoi il y a un Juan, yani, fait partie des choses étonnantes, c'est que si on trouve des sectes qui ont la même vision des choses, puis Asma'illah wa Sifat, vous allez voir que leur interprétation de certains attributs n'est pas la même. Ils vont dire dans Qawlillahi ta'ala, وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé avec mes deux mains? Ils vont dire, c'est pas ces deux mains. Ils vont dire, certains, ils vont dire, c'est un ni'ma. C'est pas les deux mains, mais c'est son bienfait. C'est son bienfait. D'autres, ils vont dire, c'est la quwwa. D'autres, ils vont dire, c'est la force. Et là, on s'étonne parce qu'on se dit, Taïeb, de qui vous avez pris la parole pour dire que c'est la ni'ma, c'est le bienfait d'Allah, et c'est pas les deux mains? Et de qui vous avez pris la parole pour dire que c'est al-quwwa? Tamam? Et ils se diront tout simplement qu'ils ont pris cela de leur propre personne, ou de leur propre compréhension ou raison. Pareil pour la réfuter, pour réfuter. Donc, ils sont dans l'affirmation et dans la négation des textes. Ils se basent essentiellement sur leur raison. Naam. Taïb. Khamisan. Khamisan. Annahu yalzamu minhu جواز نفي ما أثبت الله ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهروا علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه أو صحة نفيه ونفي ما أثبته الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من أبطال الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. كلام جميل جدا. Je crois que ça c'est encore plus pertinent que le précédent et c'est encore plus fort de sens. Donc le cinquième point, il implique que de la voie, ce qu'il en ressort de la voie que suivent les négateurs, c'est que cela implique que l'on réfute des choses qu'Allah a lui-même affirmées ainsi que son messager. Donc on pourrait dire sur la parole d'Allah Azzawajal, Waja'a Rabbuka, ton Seigneur vient, on peut dire il ne vient pas. Ou dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, notre Seigneur descend jusqu'au premier cieux, on peut dire non, il ne descend pas. لِأَنَّ إِسْنَادَ الْمَجِيِّ وَالنُّزُولِ إِلَى اللَّهِ مَجَازٌ عِنْدَهُمْ. Pourquoi? Parce que pour eux, le lien qu'il y a entre la venue et Allah Azzawajal, c'est un lien métaphorique. C'est une métaphore. Et la métaphore en arabe, il est permis de la réfuter. Il est permis de la réfuter. C'est-à-dire que toute personne parmi les adeptes de la langue arabe et qui reconnaissent la présence du majaz, ce qu'on appelle la métaphore dans la langue arabe, toute personne qui affirme qu'il y a bel et bien dans la langue arabe la métaphore, alors il caractérise la métaphore comme étant une chose, comme étant une manière de parler qui peut se réfuter, qui peut être réfuté. Donc là, c'est malin. Ce serait dire que on peut réfuter les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même affirmé à lui-même. Non. طيب ونكتفي في هذا القدر أو نكتفي بهذا القدر